dans une sphère de cheminement évolutif qui inclut la compréhension de la démarche dans le premier réceptacle, dans le deuxième réceptacle. Cela doit inclure le respect de la démarche. Et dans le troisième réceptacle, cela doit inclure la crainte de la démarche. Je comprends que l'initiation que je fais a tel ou tel but. Je respecte le cheminement, j'apprends à fermer ma grande crise de gueule et j'essaie et j'apprends à ne pas toujours vouloir dénigrer mon cheminement. Je crains le cheminement. Alors, j'essaie d'être patient pour ne pas vouloir l'accomplir à tout prix dans un temps relativement court. La partie évoluante comprend. La partie involuante doit respecter votre choix. Pas toujours se monter contre ou le trouver niaiseux. Et la partie réincarnationnelle qui veut aller plus vite doit le craindre de façon à ne pas aller vouloir aller plus vite. Comprendre, respect, crainte. Cela fait partie de la démarche hautement initiatique qui demande à l'individu triunitaire d'entreprendre en même temps un cheminement adapté à chacune des parties. Toute démarche d'évolution initiatique demande de la part de l'initié ou de l'initiable une évolution sur trois plans en même temps. Le plan de l'intelligence, le plan du cœur et le plan de la volonté. La volonté doit craindre le cheminement. Elle est pressée, la volonté. Elle veut la volonté. Elle doit craindre le cheminement, la volonté. Le cœur, il aime. Aimant, il conserve. Conservant, il mémorise. Mémorisant, il distingue. Le cœur fait partie du cheminement involutif qui permet de créer la stabilité harmonique. Et l'intelligence et la partie compréhensive. Et quand je parle de comprendre instantanément. Je ne parle pas d'apprendre à comprendre ou d'apprendre la compréhension d'une chose. Je parle de comprendre la chose. On peut apprendre la compréhension, mais on ne comprend pas. C'est comme si, mais on ne comprend pas. Alors, une démarche initiatique doit nécessairement être entreprise par des individus qui sont capables de bien cerner l'authenticité de leur triunité. Capable de comprendre une démarche, de respecter une démarche et de craindre une démarche. Cela veut dire que l'individu initiable, et lorsque je parle d'initiation, cela veut dire des coups de fouet dans l'évolution. Une catalysation d'évolution par le biais d'un événement particulier qui permet à l'humain d'avancer par bond. Pour cela, l'humain doit cultiver chez lui des choses. Et quand je dis cultiver chez lui des choses, cela veut dire que la partie intelligente doit instruire les deux autres parties. Et le terme cultiver est approprié. Pourquoi? Parce que les deux autres parties, ne pouvant comprendre, ne peuvent que le cultiver. Comprendre l'intelligence d'une chose, c'est la vivre. Ne pas comprendre une chose, Et l'accepter, c'est la cultiver. Cultiver une chose veut dire la nourrir, l'arroser. Et lui donner de l'espace pour s'expandre. Et c'est pourquoi la foi et la croyance ont été données à l'humain, pour qu'il puisse, sans comprendre, cultiver. Dans une démarche initiatique qui fait référence à l'intelligence supramentale, l'humain ne peut pas faire seulement partie de l'initiation de la culture. Dans une démarche supramentale, l'humain doit absolument passer par la compréhension et par la suite la culture. Dans les démarches traditionnelles, l'humain n'a pas besoin de comprendre, il doit croire et avoir la foi. La foi fait partie de l'instruction que vous devez donner au troisième réceptacle. La croyance et les concepts font partie de ce que l'on doit donner, parce que cela engendre la confiance et la sécurité dans le deuxième réceptacle. Et la compréhension instantanée et l'intelligence doit être le privilège de votre partie ascendante. De cette façon, vous instruisez l'ego, vous instruisez le monde de la mort, et vous en faites des alliés plutôt que des ennemis. L'astral doit être démoli. La démolition de l'astral veut dire transmutation. L'homme, la femme, l'enfant, doit apprendre à cerner qui il est au pluriel. Ce qui il est au pluriel engendre le maître, le disciple et le peuple. Cela engendre celui qui est susceptible de savoir et le reste. On ne doit jamais laisser le reste au hasard. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais remettre le reste entre les mains du reste. Vous savez ce que vous savez, mais vous savez ce que vous savez. Vous croyez savoir, et vous ne savez pas. Il y a la partie évolutive et ascendante chez l'homme, celle qui devra être nommée. C'est le premier nom à découvrir. Est-ce votre nom? Quand cela est clarifié, il y a la partie stagnante à découvrir et à nommer. Seulement après avoir trouvé le nom de la première partie. Seulement. Chaque chose doit maintenant être faite en son temps. Pas en bric-à-brac. L'humain peut avancer comme il veut, évoluer et exploser comme il veut. Mais en attendant de ce « comme il veut » égale à « comme il peut », il est évident que si l'humain accepte de respecter dans la partie stagnante et de craindre dans la partie réincarnationnelle le cheminement de la partie consciente, il doit organiser son évolution. Organiser son évolution, cela veut dire qu'il doit entrevoir des phénoménologies initiatiques et des finalités initiatique. Alors, il y a celui qui ramasse de l'information un peu partout. Qui apprend différentes techniques. Qui met tout ça dans un grand pot et qui mélange tout. Et qui pratique d'une façon saltatoire son évolution, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cela, un break par-ci, on recommence là, on vient là, etc. Et il y a celui qui s'impose une discipline d'évolution. Discipline égale, du point de vue cosmique, disciplina. Égale, du point de vue cosmique, disciple. Et le disciple, du point de vue cosmique, est celui qui se suit lui-même. Pas celui qui suit quelqu'un d'autre. Il peut évidemment être en contact avec des choses ou avec quelqu'un d'autre. Mais le vrai disciple, du point de vue cosmique, est son seul maître. Disciple, discipline. Alors, il y a deux formes de disciples. Celui que l'on discipline, celui qui se discipline. Il y a le disciple d'un maître et il y a le disciple de la vie. Et c'est tout à fait différent. Le disciple d'un maître a besoin d'un autodisciplinaire et d'un hétérodisciplinaire. Le disciple de la vie est relié à sa propre intelligence. Il n'en a pas encore la conscience. Il y est relié. Discipline. Trois formes d'évolution. Discipline adaptée au premier nom. La partie ascendante chez vous. Lorsque cela est cerné, tout le temps ne doit pas être donné à cette partie. Un tiers du temps. La deuxième partie ayant été découverte, nommée, une discipline doit lui être imposée et elle se doit de la respecter. Une discipline qui va avec ce qu'elle est, pas avec ce que la première partie est ou veut, avec ce que cette partie est et veut. Troisième discipline, parce que troisième forme d'évolution. Troisième réceptacle. Il doit lui aussi être nommé paramétré. Et on doit le connaître de façon à lui donner sa discipline. Les trois disciplines doivent faire en sorte que l'ascension des trois se fasse. Disciple, discipliné. L'homme veut évoluer sur un plan. Et à un moment donné, il vit une dépression, il veut évoluer sur l'autre plan. Et à un moment donné, il s'écœure, il décrisse. Et là, il ne veut plus rien savoir, il évolue sur le troisième plan. Puis il revient, il se promène. C'est fun. Il y a des choses qui sont prêtes. Des choses qui ne sont pas prêtes. Il y a des humains qui sont prêts, des humains qui ne sont pas prêts. Problème dans l'évolution actuelle des choses. Les choses prêtes s'adressent aux humains pas prêts. Les choses pas prêtes s'adressent aux humains prêts. Discipline veut dire se prendre en main. Être un disciple de la vie plaît au deuxième réceptacle et peut écœurer le troisième réceptacle. Quand on emploie un mot et que ce mot-là vous fait chier, il fait chier le troisième réceptacle. Certains mots peuvent faire chier le deuxième réceptacle. Aucun mot ne peut faire mal au premier réceptacle. Étant donné que lorsque vous venez à une conférence, à un séminaire, ou lorsque vous allez quelque part dans la vie, vous êtes toujours deux ou trois en même temps, les trois réceptacles mélangés ensemble, et puis vous pouvez avoir un cheminement de conscience trivalent. Vous ne pouvez pas apprendre et connaître les choses telles qu'elles sont. On va quelque part et on regarde un beau paysage. On est mental et on se dit, j'ai vraiment d'autres choses à faire. Le paysage est pour le deuxième réceptacle. Donnez-lui. Pour aller plus loin à travers ce que j'aurais à dire, l'homme doit passer par la première initiation, celle où il doit définir ses trois entités. Connaître le nom de ce qu'il est, le nom de ce qu'il est et le nom de ce qu'il est. Comprendre clairement ce que j'entends par ces trois nuances. Expérimenter le phénomène des trois nuances. Ça ne sert à rien de vouloir poursuivre si on n'est pas conscient des trois nuances. Si on n'est pas conscient qu'on est au minimum bipolarisé. Je veux, je ne veux pas. C'est beau, c'est laid. J'aime un jour, j'aime pas un autre jour. Je m'ennuie pas. Ça, l'humain doit le cerner. Mais l'humain doit aussi cerner que ça va bien et ça ne va plus. Il doit comprendre qu'on se réincarne chez lui. Et ça, ça doit être cerné. Pas l'apprendre, le vivre, comprendre, le conscientiser, le savoir. Lorsque cela est fait, nommer les choses. Lorsqu'on nomme les choses, et ce n'est pas nécessaire d'attendre un séminaire sur la colère mentale pour commencer le travail. Séminaire sur la colère mentale 2, on va poursuivre le travail. Plus vous serez avancé, plus vite ça pourra se faire. Il y a une chose. C'est que ceux qui vont avancer suffisamment vont se voir ouvrir une porte devant eux. Ceux qui arrivent à se mettre une discipline de l'évolution sont dans une attente active qui plaît aux forces melchisédiennes, aux catalyseurs d'évolution. Une fois qu'on a fait ces trois choses, on doit maintenant travailler sur un autre phénomène intéressant. Quels sont les tendons d'Achille de nos trois personnalités? Ah oui! C'est quoi nos points faibles par lesquels l'astral et l'involution peuvent être exprimés? La fatigue, la maladie, nos voisins, nos parents, le stress, la peur, la colère. C'est quoi vos points faibles? Une chose, on ne doit jamais, et quand je parle de discipline, c'est cela. Je n'ai pas encore perçu dans l'homme suffisamment de discipline pour me plaire à travailler avec l'homme. Ma première discipline, apprendre à fermer sa grande crise de gueule. Apprendre à parler pour s'enseigner à soi, oui. Apprendre à se fermer après. Il y a encore énormément de personnes qui viennent me voir et qui me disent « L'autre jour, je parlais de ceci, de cela, et puis à un moment donné, on m'a posé une question, et puis j'ai répondu ceci, cela, cela, cela, cela. Je pense que c'est ça la vraie réponse. Qu'est-ce que tu en penses? » Fermez vos gueules. Là, j'ai décidé de faire telle affaire. Je pense que ça va être bon. C'est déjà plus bon. Je rencontre un bonhomme qui évolue bien. Il a 40-45 ans. Il est animateur à la radio. Il a un succès fou ces derniers temps à cause d'une chanson qu'il a faite. Et ça marche. Et il a de l'ego. Et ça marche. Il a de l'ego. Il apprend. Il évolue. Il comprend. C'est beau. C'est bon. Et à un moment donné, il rencontre tout le monde au poste. Et il leur annonce que lui, il a une santé de fer. Il n'est pas malade. Il ne sera jamais malade. 5 jours après, il entrait aux soins intensifs d'un hôpital avec un infarctus du myocarde. Son ego vient d'en prendre une claque bien plus que son corps physique. Quand il va retourner dans un mois, un mois et demi à travailler, il faudrait qu'il fasse lentement, qu'il check tout devant tout le monde. Fermer sa grande crise de gueule. C'est ça que ça veut dire. Il y a énormément de choses que l'on dit qui sont inutiles. De temps en temps, me pose des questions, ceux qui sont plus proches de moi, et puis souvent, je leur dis, c'est pour moi que tu le dis, ferme ta gueule. Si c'est pour t'instruire, parle. Et c'est compris par plusieurs personnes avec qui je travaille. Alors, ils vont parler, mais ils savent que c'est pour eux autres, plus pour moi. Puis, à un moment donné, ils apprennent aussi, ils parlent trop. Discipline. Connaître vos points faibles et en parler. C'est comme connaître les points faibles de sa ville, de son château, de sa forteresse, et aller voir l'ennemi pour lui dire. Et j'ai longtemps hésité avant d'entreprendre un travail plus initiatique avec l'humain. Parce que l'humain n'a pas assez de discipline, il risque de se détruire. Apprendre à fermer sa grande crise de gueule, c'est la première discipline à aller chercher. Quand deux parlent, mais ne parlez jamais de ce que vous avez déjà dit, ou ne parlez jamais de ce que vous avez fait, ou ne parlez jamais de ce que vous avez pensé. Parler du neuf, OK. Et autre chose, parlez de l'homme, parlez jamais de vous. Quand je dis parler de l'homme, je ne veux pas dire, tu sais, tout le monde ici dans la société a peur. Non. Là, vous êtes collectif. J'ai peur. Non. L'homme a peur. Et parce que l'homme a peur, il vit certains genres de mécanicité et continue à vous décrire, mais en employant le mot « l'homme ». Vous exprimez dans les contextes astro certaines choses que l'astral sait déjà. Vous interdisez l'astral de savoir que vous vivez cela. Et vous vous permettez, en parlant, de vous instruire. Ce que je dis là est important. Ce n'est pas du brasse-taille, du etc. Apprendre à fermer sa grande gueule, c'est la première discipline à aller chercher. Le disciple, l'initiable, sait se taire. Alors, s'il sait se taire, on peut lui dire des choses, il peut apprendre des choses, il peut comprendre des choses, il peut savoir des choses, et jamais ça ne peut être tenu contre lui. Tandis que bien souvent, les choses sont retenues contre soi, ce qui, en mon sens, n'est pas tout à fait convenable. Ces points faibles, on les mijote soi-même. On les conscientise soi-même. On les trouve soi-même. On peut parler de l'humain à quelqu'un. On ne parle pas du « je ». Surtout que c'est par le « je » et le « moi » que la pensée est la plus manipulée. Ne vous affublez pas de conditions, de défauts ou de points faibles que vous n'avez pas. Parlez de l'homme. Cela va permettre à votre ajusteur de pensée de vous aimer un peu plus, de venir chez vous. Il y aura moins d'égo. Vous ne parlerez pas du « je » ou du « moi », vous parlerez de l'homme. Et cela permet aussi de trouver ses points faibles sans avertir l'astral que c'est nous qui les avons. Et cela oblige aussi notre discipline au niveau de l'ego, parce que si vous voulez dire à quelqu'un, « Moi, je suis bon », vous dites « L'homme est bon ». Bon, ben, si l'autre va dire « Oui, c'est vrai, l'homme est bon ». Là, vous dites « Oui, t'as pas compris, tu sais, l'homme. L'homme est bon ». Discipline, ça doit rentrer dans la tête. Discipline égale organisation égale gestion égale mentalisation égale logifération égale intelligenciation égale contact supramental. Savoir, comprendre, respect, amour, crainte, volonté. Les plus grands fanatiques sont ceux qui craignent le plus leur chef. S'il y a le respect à l'intérieur de tout, ça devient une force dangereusement terrible pour les autres. Ici, en plus, il y a l'intelligence là-dedans. Oubliez tout. Mais ces trois choses doivent être réunies chez vous. Pas me craindre, pas me respecter, pas me comprendre. Vous craindre, vous respecter, vous comprendre. Ce qui vous fait chier, si ça vous respecte, c'est bon. Ce qui vous détruit, si ça vous craint, c'est bon. Trois choses chez l'homme. La partie ascensionnelle, la partie stagnante et la partie réincarnationnelle. Tendon d'Achille de la première, de la deuxième et de la troisième partie. Fermez sa grande crise de gueule parce que si on en parle, on se fait fourrer royalement. J'ai décidé de me payer le luxe de ceci. J'ai décidé d'entreprendre un cheminement plus poussé, plus puissant avec certaines personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est faux ce que je dis là. J'ai décidé j'ai décidé moi-même de foncer. C'est-à-dire que j'ai décidé de me payer le luxe de me permettre de détruire certains humains. Pout. Et en décidant de me payer le luxe de détruire certains humains, cela me donne le luxe à moi-même de permettre de m'accomplir. Étant donné que je suis paramétré par des humains, et ça, on n'a pas le choix au niveau de l'évolution actuelle des choses, si je respecte trop l'homme, je ne me respecte plus moi. Si je me dis que sur 5 personnes, si 2 se suicident, c'est pas grave, eh bien là, je vais pouvoir grimper. La conscience supramentale est suffisamment puissante pour paramétrer 2 individus qui pourraient se suicider et s'organiser pour qu'eux autres s'en aillent. Mais tant que la partie de l'homme qui l'a assujettie à la collectivité n'a pas encore compris le phénomène, ça crée des choses. Problème. Ce n'est pas mon unique problème, c'est le problème aussi de d'autres personnes qui parlent au Québec, de d'autres au singulier. Mais c'est compris. En même temps. Ensemble. Cela veut donc dire qu'il y a des choses qui vont sortir et qui vont faire mal. Et j'avertis. Il y a les clés qui sont données pour que ça ne fasse pas mal et que ça fonctionne. Je suis une chose, vous êtes quelque chose, et vous ne pourrez pas accepter d'être ce que vous êtes tant que moi, je n'aurai pas accepté d'être ce que je suis, ou tant que l'autre n'aura pas accepté d'être ce qu'il est. Et ce n'est pas parce que vous attendez. C'est parce que si les plus puissants au niveau supramental ne sont pas encore aptes à le faire, il est bien évident que ceux qui ne sont pas puissants ne peuvent pas le faire. Cela veut nécessairement dire que pour arriver à s'accomplir, on doit faire des choses. Des choses que l'on s'interdit depuis le début. Et des choses qui peuvent traumatiser les gens. Mais ceux qui vont être suffisamment puissants pour ne pas être traumatisés vont pouvoir poursuivre et eux-mêmes arriver à s'accomplir. Première chose, discipline. Vous savez, dernièrement, je parlais avec certaines personnes de l'humain. Qu'est-ce qui était limitant chez l'homme? Le corps physique ou le corps astral? Une personne a un corps physique d'athlète, mais elle s'ennuie, Il a peur. Il faut qu'on lui tienne la main. Il faut qu'on la traîne avec nous. On va au Pérou avec, puis elle se perd, puis elle chiale. On va à Montréal-Nord avec. On la laisse à un coin de rue, puis on se pousse. Elle broye, c'est la panique. Ou bien, si c'est une personne qui a une psychologie convenable, mais qui pèse 350 livres, qui est leucémique, qui a peut-être un peu d'épilepsie, mais qui, elle, est capable de grimper après une corde, qui, elle, a la volonté de se traîner dans la boue pour monter une côte, de débouler 300 fois et de continuer à vouloir monter. Laquelle on doit traîner? Moi, je me sens énergisé de prendre la grosse personne puis la monter en haut. Mais je me sens têté et épuisé de prendre l'athlète pour le motiver à monter en haut. L'élite, ce n'est pas tributaire du corps physique. Le corps et toutes les techniques, par la pratique, ça s'acquiert. La discipline, le vouloir, la motivation, la compréhension, ça, c'est entre vos mains. À partir de prochainement, nous allons cesser de nourrir l'homme de ce côté-là et nous allons travailler avec les personnes qui veulent embarquer dans un phénomène. Et quand je dis « nous », je ne parle pas du PMC, le PMC reste ce qu'il est. Je veux dire que moi, de temps en temps, je vais travailler avec certains humains, seulement avec ceux qui seront prêts à faire des choses. Discipline. Première, fermer sa grande crise de gueule. Le travail, comprendre qui nous sommes et qui nous sommes. Le travail, découvrir nos points faibles et nos points faibles. Ça, c'est...